Bonjour à tous, vous écoutez le premier podcast mensuel d'Iunctis, celui du mois de mars 2016. Alors à mes côtés, il y a Oshi, salut Oshi. Salut. On a Matt, salut Matt. Salut. Et on a Max, salut. Et, donc, là, et quand même, faut dire que Matt a détruit sa vie sociale pour venir quand même. Ouais, il a annulé une soirée chez un pote. Pour expliquer le concept, alors le podcast mensuel, ça va être c'était un podcast qui était dans nos cartons depuis les débuts du forum en fait. Mais comme un peu ce soir l'organisation était un peu complexe. Donc on va retenter notre chance, on espère qu'on va s'y tenir tous les mois en fait, en début de mois normalement on se regroupera pour parler en fait, le but c'est de parler de comme du forum, du sport, des jeux vidéo, séries, films, livres ou autres. Donc c'est nos coups de cœur du moment ou un événement marquant qui s'est déroulé le mois dernier. Mais d'abord, on va parler de l'actualité du forum, pour ceux qui participent pas énormément. Donc en premier lieu, on a confirmé le partenariat avec Amazon, ce qui nous permet en fait de toucher une commission sur chaque achat qui se fait via un lien publié sur le site, qui nous permet de financer le forum. Il y a eu aussi des notifications de j'aime qui ont été modifiées, ce qui permet un peu comme Facebook d'avoir un j'aime, enfin une notification pour chaque j'aime que vous allez recevoir, ou alors ne plus en avoir du tout. Troisième point, on a un nouvel onglet résumé dans la carte utilisateur, ce qui permet d'avoir par exemple votre nombre de messages, de j'aime reçus ou donnés, vos messages ou sujets les plus populaires. C'est une petite page très simple qui donne pas mal d'infos intéressantes. Et enfin, une modification des badges. On a ajouté pas mal de nouveaux badges ce mois-ci, avec notamment la popularité des liens que vous avez postés sur le forum, ou des badges commentateurs ou auditeurs si vous participez à certains sujets spécifiques. Voilà pour l'actu d'Iunctis. On va passer tout de suite au coup de cœur ou événement marquant du sport. Et Oshi voulait nous parler de Leicester en Angleterre. Bah ouais, Leicester, bon, on le sait, hein, maintenant, c'est pas non plus le petit truc qui se passe, tout le monde est au courant. Leicester, c'est un peu, c'est une surprise pour tout le monde, moi le premier, qui suis bien fan de Manchester United. C'était un peu la surprise parce que c'était un peu le tube de l'été. Ils sont montés en première division, enfin première ligue l'année dernière, ça faisait 10 ans qu'ils y étaient plus. Ils ont fini 14e l'année dernière, ils ont limogé Nigel Pearson à la fin de l'année pour recruter Claudio Ranieri. Et est-ce qu'on peut dire c'est que la moutarde, la mayonnaise a pris, parce que on a 6 journées de la fin, ils ont 6 points d'avance sur Tottenham qui sont deuxième, et ils ont révélé des joueurs avec une équipe qui a priori aurait pas forcément les épaules pour être champion, mais quand on la regarde de plus près, c'est quand même plein de joueurs qu'on connaît, qu'on a déjà vu, qui sont passés par des grands clubs, et il y a vraiment une sorte d'équipe de baroudeurs et de revanchards, avec en plus des jeunes prometteurs qui ont fait vraiment un cocktail de fous furieux, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez tous, mais... Après, toute proportion gardée, parce que c'est le championnat d'Angleterre et c'est beaucoup plus dur que le championnat de France, mais ça risque quand même de faire une sorte de Montpellier en France il y a 3-4 ans, quoi. C'est un coup d'un an, et oui, j'espère qu'année prochaine, les joueurs partent un peu partout, et voilà, quoi. Il y a de grandes chances. Du coup, je sais pas forcément à quel point le club est capable de garder ou pas au niveau financier ses joueurs. Je sais pas si en Angleterre, normalement, ils ont les moyens, oui. En finissant champion, il va avoir énormément de droits télé pour l'année prochaine, donc ils vont gagner beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils vont réussir à garder leurs joueurs? Est-ce que les Mahrez, les N'Golo Kanté vont réussir à résister aux sirènes des grands clubs européens? À voir. Mais attendons, ils ne sont pas encore faits, ils ne sont pas encore champions, même s'ils ne sont pas champions, je pense qu'ils auront quand même marqué les esprits cette année parce que j'ai vu un tweet ce matin. Comme quoi, ils ont plus d'avance que Barcelone en Espagne, par exemple. Donc, c'est quand même bien parti pour être champion. C'est bien parti. Après, on n'est jamais à l'abri, mais bon, c'est qu'ils ont. Je pense que s'ils avaient dû s'écrouler, ce serait écroulé avant. On arrive quand même début avril maintenant, mine de rien. Il en reste quoi, 6 matchs. Puis alors, en 6 matchs, je pense qu'ils en gagnent la moitié, c'est bon, quoi. La belle histoire, c'est quand même Vardy, hein. Le mec, il y a 5 ans, il était en 5ème division, quoi. Oui. Et là, ce qu'il fait, c'est. Voilà. Je pense qu'il y a 5 ans, tu leur as dit qu'il allait être. Est meilleur buteur, je crois. Il est meilleur buteur de championnat, il va être titulaire à l'Euro, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense qu'il y a 5 ans, il ne croyait pas trop, ouais. Et voilà, quoi. C'est outre les Mahrez, qu'on avait un peu perdu de vue, Kanté, on se demandait ce qu'il allait foutre là-bas. C'est le fils de Schmeichel quand même qu'on disait que c'est, enfin, ouais. Bon, il a clairement pas le niveau de son père, c'est clair. Mais on disait que c'était quand même un gardien assez mauvais. Il se retrouve dans l'équipe numéro 1 de première ligue, donc c'est quand même pas mal, quoi. Mais même Mahrez, hein. Mahrez, il y a 3 ans, était en Ligue 2 avec le Havre et c'était un jeune prometteur. Il part à Leicester en deuxième division, on se dit qu'est-ce qu'il va faire là, et puis ouais, 2 ans après, c'est un des joueurs les plus courtisés, quoi. Ça, ouais, ouais. Bon, en tout cas, ils ont un joueur qui, on est sûr qu'il fait pas la fête, quoi. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas besoin de se suivre en boîte, hein. Drinkwater, c'est bon. Ah, je voulais faire une blague sur Schmeichel, disant qu'il était un peu fantomatique avant, mais j'ai pas pu la placer. Donc. Ouais. Donc, non, Leicester, je sais pas le si. Le niveau est haut, c'est ça. Je sais pas si vous vous rappelez de la petite histoire du mec qui avait parié Leicester en début de saison et qui a passé un accord en fait pour toucher, je sais plus, 35 ou 50 millions. C'est qu'en début de saison, il s'est passé un bookmaker, il avait parié 10 livres, je crois, ou 20 livres sur le fait que Leicester serait champion. Et en fait, plus ça avançait, plus en fait, s'ils étaient champions, il allait gagner plus de 100 000 livres. Et ça faisait plusieurs mois que les bookmakers le harcelaient pour racheter son pari, parce qu'il préfère perdre 30 000 que 100 000. Je crois que oui, il a finalement accepté à 30 ou 40. Il a craqué sous la pression. Je pense que j'aurais craqué aussi. Voilà, ouais. Alors c'est vrai que bon, s'il est vraiment champion, après je pense qu'il est quand même content. Je pense que c'était n'importe quoi. Ouais, sur un pari comme ça. Ouais. Et il devait avoir un petit bonus aussi parce qu'il avait fait un premier pari sur champion et un deuxième pari sur Leicester sur le podium. Et celui-là, par contre, il n'a pas été annulé. Donc ça rapporte aussi 5 ou 10 000. Un petit peu moins. Donc voilà, je crois que les bookmakers ont un peu les boules parce que je crois que s'ils payent vraiment tous ceux qui ont mis les paris et tout sur Leicester et tout, et je crois qu'ils doivent le payer sur des millions d'euros, je crois. Après, je pense qu'ils ont envie de baisser les cotes. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'en début de saison, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont mis beaucoup d'argent sur Chelsea, Manchester United, etc. Ouais. Donc ça compense, hein. Ouais, c'est clair. Oui, puis depuis tous les supporters d'Arsenal là, qui se font baiser depuis 10 ans. De toute façon, le truc des bookmakers, c'est que quand tu prends pour un match, par exemple, match, victoire, défaite, nulle, l'ensemble des trois cotes est supérieur à 1, ce qui fait qu'à la fin, quoi qu'il arrive, ils sont toujours gagnants, en fait. Oui. Ouais. Voilà pour Leicester. Matt, tu voulais parler de natation, je crois. Ouais, mais tu pourras dire un petit mot sur Marseille, après je le ferai. Parce que c'est tellement beau aussi que... Non, bah la natation, j'en ai parlé beaucoup sur le forum, dans le topic en vrac, les sports en vrac. C'est les minima français. On passe encore pour des cons, quoi, franchement. C'est bien beau de dire... C'est ça, les 120 messages que j'ai pas lus, j'ai pas voulu lire. Ouais, c'est ça. En fait, pour résumer simplement, la Fédération Internationale de Natation dicte des minima olympiques. Alors, il dicte des minima temps A et temps B. Donc, les grandes nations doivent faire les temps A. C'est normal, la France est une grande nation. Les temps B, c'est plus pour les petits. Et en fait, du coup, on a le droit d'envoyer 2 nageurs par discipline. Et nous, comme on se croit les plus beaux, les plus forts, on a fait nos propres minima à nous, qui sont quasiment les temps des médailles des courses olympiques il y a 4 ans. Ce qui fait qu'on devrait avoir 28 qualifiés actuellement et on n'en a que 6. Ah oui. Mm-hmm. Donc c'est un peu ridicule. Et il y a des trucs très drôles, comme par exemple Jérémy Stravus, sur 200 mètres nage libre, qui fait la deuxième meilleure performance mondiale de l'année, il n'est pas qualifié. On a aussi une Française qui bat le record de France, qui fait un temps qui lui aurait permis de terminer 4e au JO en 2012, qui bat donc le record de France, son record personnel, qui n'est pas qualifié. Je veux dire, à un moment, on met des minima qui sont 1 seconde ou 2 secondes au-delà du record de France, ça rime plus à rien, quoi. Mais c'est pareil, il y a Damien Joly sur 1500 mètres, le mec qui fait la 5e meilleure performance mondiale de l'année, quoi. Donc c'est quand même grosse performance. Et ben le mec va pas au JO parce qu'il fait pas les minima. Et donc, surtout que le 1500 mètres, c'est un peu le marathon de la natation en bassin. Parce qu'après, il y a la natation en eau libre. Et du coup, voilà, c'est pas une performance qu'il peut faire tous les jours non plus, quoi. Il va pas se taper. Non, mais c'est ça, voilà. Ouais. T'as comme certains minima qui étaient plus rapides que le record de France de 4 secondes. Comment tu veux que les mecs ils gagnent 4 secondes comme ça? Enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, et puis surtout, après, bon, c'est pas pour les pics de forme. Je vois plus le cycliste, c'est peut-être pas la même chose en natation, mais on demande aux mecs surtout que les temps doivent être réalisés sur une seule course. Donc c'est pas des temps qu'on peut faire en mars, en avril, en mai, on devait les réaliser là, sur la finale qui avait lieu la semaine dernière, enfin jusqu'à hier, et du coup on doit avoir un pic de forme au sommet fin mars, début avril, et on est censé avoir un autre pic de forme au mois d'août. Je veux dire, c'est complètement tuer les saisons et tuer même les chances, quoi. Alors, ça se trouve, on passera pour des cons et on aura un super bilan au mondiaux. Mais voilà, je trouve ça un peu bête. Ça empêche les jeunes de progresser parce qu'ils vont pas aux Jeux Olympiques. Vraiment. Et puis même, les Jeux Olympiques, c'est un rêve, quoi, pour tout le monde. Les mecs qui font, le mec qui fait troisième meilleure performance mondiale de l'année, on va dire, non, bah, tu vas pas, t'as pas rasé le temps. Je trouve ça vraiment débile. Ouais, c'est con. Enfin, bon, après, moi, j'ai la seule course où je pense que là, on va être bien, c'est aux 4x100 nager. Bon, là, je pense que la médaille, quand tu vois les Ouais, après, chronos des gars. même pas forcément l'or, hein. Ça peut être, parce que les autres pays sont forts aussi. Ouais, bah après, t'as quand même 3 mecs qui réalisent les minima français, donc plus dur que les minima mondiaux, plus Metteda qui est pas loin non plus. Bah, techniquement, vu nos minima de tarés, vu qu'on a 6 qualifiés, on va avoir 6 médailles, quoi. Ouais, Ça c'est devrait ça. être un truc comme C'est ça. ça. Mais juste aussi pour un petit peu développer le truc, c'est par exemple les Américains, et je suis pas forcément fan d'eux, mais les Américains, ils ont des minima qui sont très bas, qui sont les minima internationaux, et après, ils prennent juste les deux premiers de chaque course, s'ils ont réalisé ces minima, tout simplement. Donc, au moins, c'est clair, quoi. Tu termines dans les deux premiers de tes sélections, t'es qualifié, basta, merci, au revoir. Nous, il faut terminer dans les deux premiers, et en plus, il faut faire des temps astronomiques, quoi. Du coup, je Ouais, ça vois complique vraiment pas l'intérêt. un peu la vie. Ouais, Non, mais bah c'est vrai, c'est après, vrai. comme je faisais des théories du complot sur le forum, mais le truc, c'est que je vois absolument pas l'intérêt de faire ça, parce qu'on a beau réfléchir dans tous les sens, on envoie, je sais pas combien, de 40 nageurs au championnat d'Europe, donc c'est même pas une histoire de budget, parce que je pense quand même que la natation a le budget pour les Jeux Olympiques. Du coup, et dans le règlement international, il est dit que si des pays refusent d'envoyer des athlètes qualifiés, ce que nous on va faire, parce que techniquement les autres sont qualifiés officiellement, mais on va pas les envoyer, on donne leur quota aux pays, je sais pas, parce que émergent c'est pas le mot, mais aux pays qui ont pour le coup pas de nageurs, ou pays africains, etc., quoi. Et je me demande si c'est pas dans l'optique de Paris 2024, quoi. On vous laisse des quotas et en échange vous nous donnez des voix. Je vois que ça, parce que sinon, franchement, après, il y a rien de scandaleux si on l'assume, quoi. Si on envoie Blatter. les, bah c'est, non mais c'est même pas illégal. Ça permet de développer le sport dans les pays où c'est pas très développé la natation. Ça peut être une très bonne chose, hein. Il y a rien de scandaleux à ça, mais sinon je comprends pas l'intérêt de faire ça. Voilà. Ok, Max, tu voulais parler un peu de biathlon. Après, on revient vite fait sur l'OM. Vas-y, Max. Ouais, surtout saluer enfin les performances de nos biathlètes quand même. Faut quand même rappeler qu'on n'est pas la meilleure nation au niveau des licenciés. Et voilà, et enfin cette année, Martin Fourcade, bon, il a éclaté la concurrence. Au championnat du monde, on a dégoûté les Norvégiens chez eux quand même. Faut quand même le faire, quoi. Non, voilà, c'est un sport dont on parle peu, mais c'est un sport où finalement on est peut-être les meilleurs au monde, clairement, avec notamment Fourcade et puis Marie-Dora Humbert qui sont exceptionnels. On fait 11 médailles au championnat du monde, ils en gagnent 10 à eux deux, quoi. Donc voilà, c'est pas mal, quoi. Et on est au championnat du monde, on est la meilleure nation au nombre de médailles devant les Norvégiens, donc voilà, c'est. Ouais, je suis content que tu parles parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de Martin, mais Marie Dorin, elle a fait une saison juste incroyable aussi, quoi. Et elle est plus réservée, elle est moins médiatique, et voilà, elle cartonne autant que lui ou presque. Et voilà, que ce soit chez les hommes ou les femmes, vraiment, c'est vrai qu'on est une équipe de France très, très forte. Et puis surtout, on a une bonne petite relève, puisqu'il y a quand même pas mal de jeunes qui participent à la Coupe du Monde. Fillon Maillet, enfin voilà, les. Non, j'allais dire Bescon, Agnès Bescon, maintenant elle est un peu plus âgée maintenant, mais voilà. Et puis on a un champion olympique Justine de la jeunesse. Brezaz chez les femmes aussi, Voilà, qui Justine joue. Brezaz aussi, voilà. Ouais. Et puis on a quand même un champion du monde, un champion olympique de la jeunesse quand même, Emilien Claude, donc on va dire pour l'avenir, c'est pas mal, quoi. En biathlon, Ouais, on se non, défend. mais surtout, j'arrive pas. Je suis en train de les chercher, mais j'arrive pas à les retrouver, les chiffres. Alors en France, les chiffres, je les ai. Il y a 400 licenciés de biathlon. Et donc 400, on en a déjà 11 médailles, c'est énorme, quoi. Et par contre, en Norvège, il y a des milliers de licenciés, quoi. C'est vraiment un sport national là-bas, et on les met à l'amende chez eux, quoi. Bah, en Norvège, c'est le sport numéro 1, quoi. Donc, Et surtout, bah, vas-y, termine, excuse-moi. c'est, enfin, voilà, genre, quasiment, les gamins, quand ils veulent faire du sport, le premier sport, du coup, tu les mets, enfin, voilà, en France, c'est le foot, voilà. Et là, là, c'est en Norvège, tu les mets quasiment au biathlon, quoi. C'est quasiment le premier sport que tu leur fais faire, quoi. Donc, Et j'allais dire, surtout, vous connaissez mon amour du dopage. Et ce que j'aime bien dans le biathlon, bien sûr qu'il y a du dopage, et voilà, mais ce que j'aime bien, c'est que ça suffit pas, quoi. Parce que tu peux être le plus rapide dans le ski, bah si tu plantes tes balles, bah ça sert à rien, quoi. L'Autrichien, attention, je dis pas qu'il est dopé, mais l'Autrichien c'est le plus rapide de loin, bah il est pas capable de planter une balle, bah il gagne jamais, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'au moins, il faut avoir à la fois la force et à la fois la concentration, le fait de d'être calme, d'être posé, voilà. On passe vite fait un mot donc sur l'OM, que Sébastien, je crois que tu Ouais. voulais en parler, donc vas-y Matt, si tu veux introduire le sujet. Comment l'introduire? Hier, mes nouveaux surnoms, mes nouveaux copains, Trompetta et Buburne, sont partis dans un van pour rejoindre la Suisse en jet privé, c'était magique et tout. Et aujourd'hui, Buburne et Trompetta sont revenus. Et on apprend ce soir que rien n'a été décidé et Trompetta fera bien la séance de demain. Je trouve juste que c'est tellement magique. Et en même temps, je sais pas, tu vas me dire ton avis, mais je pense que c'est finalement, c'est pas mauvais parce que je pense qu'ailleurs, on arrive à la fin de ce cycle d'une dizaine d'années, là, avec Margarita et compagnie, où on se foutait notre gueule parce que voilà, je vois pas comment ils vont pouvoir nous réembobiner, ils vont virer la brune, ils vont mettre Igor Levin, je sais pas, je crois pas trop. Je me dis que malgré tout, la fin approche, quoi. Bah je sais pas, il y a le poids de la campagne d'abonnement qui était important avant. Bielsa, le club en a bien profité avant de le dégager gentiment. Là, je pense que la campagne qui va venir va être assez importante pour attirer un peu plus le public. Il va falloir sortir quelque chose. Alors, est-ce que ça va être le chéquier, est-ce que ça va être un ménage, je sais pas, mais je pense que ouais, cet été, ça va être un moment charnière. Mais je pense qu'on risque d'être déçu quoi qu'il arrive, donc. Oui, Mais je pense j'attends que pas mal. finalement, on pourrait presque remercier Michel, en fait. Enfin, je trouve que le Ouais, pauvre, on l'a là, tué. tu vas un peu loin. Mais non, mais au moins, lui, il nous a vraiment mis dans la merde. Il fallait y Ah aller. oui, ça Au moins, va. grâce à lui, on y est vraiment. Ah bon, Et on aurait pu faire il fallait le semblant, quoi. faire, il aurait pas fait mieux. Ah, non, mais c'est un régime. Après, je pense que la boule l'a bien aidé aussi, hein. Faut pas déconner non plus. Enfin, quand tu vois toutes les décisions qu'il prend, au bout d'un moment. J'ai jamais, enfin depuis le début, ouais, dès qu'on a sorti le nom, Michel, voilà, je me suis dit c'est qui celui-là. Mais objectivement, il avait quand même une expérience, ce mec-là. Et quand tu regardes les 5 derniers matchs, tu te dis c'est pas possible, il fait exprès, quoi. Il y a un moment, je veux bien que ça soit mauvais, mais à ce point-là, En c'est le fait, je niveau pense qu'il 0, quoi. est un peu surfait, et puis une fois que ça tourne pas dans son sens, il coach un peu à l'arrache, il nous met 5 attaquants, enfin il finit avec 5 attaquants, t'as un trou énorme au milieu, les changements, ça n'a aucun sens. Ce qui était fou, c'est qu'il y a, je sais pas si vous vous souvenez des déclarations de Gaëtan Bong et Oui, Masuaku, je crois, début de ouais. saison où ils défonçaient et tout. Et Je dis, ils vont trop loin, quoi. on a un peu tous dit, ouais, c'est bon, t'as vu, ça fait quoi dans ta vie, en fait. Et puis, en fait, Ouais, et en fait, c'était tu avais juste bien raison, absurde. en fait. T'as vu Tu sa avais bien vérité. raison, en fait. C'est un truc de fou, quoi. C'est, enfin, quand tu vois que l'année dernière, Bielsa se fouettait, enfin, se flageait les limites en conférence de presse en disant tout le temps, ah, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Et là, le gars, jamais il se remet en question, quoi. Soit c'est le terrain, soit c'est la météo, soit c'est les joueurs, soit c'est... Mais putain, mais Après, faut déconner, quoi. comme je dis souvent entre Bielsa et Michel, j'ai appris un truc, parce que je suis pas non plus assidu à fond, mais j'ai appris au moins un truc avec ces deux-là, c'est que, alors, toute proportion gardée, bien sûr, c'est pas le même effectif, patati patata, mais j'ai appris que, oui, c'est vrai, l'entraîneur a une vraie influence sur son équipe. On dit souvent, l'entraîneur n'a pas grand-chose, c'est les joueurs sur le terrain. Malgré tout, si l'entraîneur, il peut quelque chose, quand tu vois le Bielsa, l'OM de Bielsa et l'OM de Michel dans le jeu, et même finalement l'OM de Michel sur les 2 premiers matchs, quand c'était encore la patte Bielsa, on gagne 6-1 contre 3, on gagne 4-0 contre Guingamp, non, peut-être pas Guingamp, C'est contre Bastia. 6-0, Sébastien, je crois. 4-1 contre Bastia. 6-0, ouais, c'est aussi 0 que j'étais, moi. Et voilà, il faut m'emmener tout le temps. Je vais voir un match, on gagne 6-0, quoi. Et allez, on avait encore la patte Bielsa, en fait. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte que malgré tout, oui, un entraîneur a une influence. Et du coup, bah, malgré tout, qu'on le veuille ou non, les joueurs de l'OM, c'est des gamins. Et du coup, bah, là, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils en profitent pour faire n'importe quoi. Et le niveau se perd, quoi. On a entendu Mais ton père derrière. Oh, merde. Il y a qu'un Mais... cerf chez lui, c'est quoi? Et vrai, ça doit pas être terrible, alors. Aussi, Comment tu quelle est m'entends? ton impression un peu sur ce que tu vois? Comme ça, Ah, t'en sur es capable Marseille, de parce parler. que quand... Oui, non, mais c'est surtout non plus dans Marseille, je suis, parce que j'aime, c'est vraiment un club que j'apprécie beaucoup. Bon, c'est vrai qu'hier, du coup, j'avais très peu dormi la nuit de samedi à dimanche, que je bossais pour une soirée électro, et que j'ai ramené un DJ à midi, et que j'étais vraiment fatigué, puis j'ai regardé Lazio Roma, j'ai pas dormi. Et j'ai commencé à regarder Marseille aussi en me disant ouais chouette ça va peut-être être bien en fait et puis j'ai dormi et non en fait c'est chiant et c'est pas possible c'est vraiment c'est enfin c'est même gros tu reprends moi genre, en plus tu vois les vidéos de Bengouz après chaque match pour son débrief et tout où tu te dis presque moi presque à un moment c'est qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire en fait sur quoi il va bien pouvoir s'énerver dans la mesure où tout a été dit tout est su tout le monde le sait tout le monde voit vraiment que la Brune il prend vraiment mais vraiment les gens pour des jambons c'est un truc de fou furieux que Michel c'est un touriste absolu. absolu, et que le groupe en plus fait ce qu'il peut, il y a de plus en plus de dissensions entre les touristes et les mecs qui veulent partir et ceux qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, et que c'est vraiment, c'est un scandale absolu ce qui est en train de se passer à Marseille. Je suis pas forcément d'accord sur le groupe fait ce qu'il peut. Le groupe, moi, il en fait, mais il se porte. Hein. Je sais pas, je après, c'est quand même pas détanche, quoi. Je veux dire, ok, on n'a pas un effectif pour le Valais avec Paris, mais je pense qu'on a un meilleur effectif que Bastia, avec tout le respect que j'ai pour Bastia. Oui, ça reste 11 joueurs de foot professionnels, ils savent jouer au foot, ça fait 10 ans qu'ils font ça, ils sont sur un terrain, et je prends toujours l'exemple de France 2006, quand tout le monde dit que Domenech c'était important, mais bon, ok, il y avait Zidane, on va bien se faire Amérique, mais les joueurs sont capables à un moment de se prendre en main, s'ils ont bien envie sûr, ou pas. Bien sûr, mais après, ça montre aussi bien qu'aujourd'hui où on en est en 2016, que la plupart des joueurs sont des divas, ils ont besoin d'être tenus, en fait. Quand tu vois que Paris tient presque en roue libre, parce que Laurent Blanc, il tient pas les joueurs, faut pas non plus, rêver là-dessus. Il y a un moment aussi, si, pour moi, l'entraîneur, il est là pour ça. Michel, il est censé arriver à avoir une poigne et des idées de jeu. Et il y a rien. Et là, c'est contre quelle équipe, là, qui fait rentrer 5 attaquants, voilà, c'est perdre? C'est contre Toulouse, c'est ça? Non, c'est pas contre Toulouse? Alors, il y a eu Bastia, il y a eu un autre match avant. Je sais qu'il y en avait un où c'en était pathétique, en fait, de voir qu'il était totalement, c'est pas qu'il est désemparé, c'est qu'il sait pas ce qu'il fait, il connaît pas son métier, c'est pas possible, quoi. Après, moi, c'est ma théorie sur les joueurs français. Alors c'est complètement bidon ce que je dis, je suis pas rando, mais je pense que les joueurs quand ils arrivent à Marseille ou Lyon ou Paris avant, maintenant Paris c'est plus dur pour leur français, c'est un peu le Graal, quoi. Et si derrière t'as pas quelqu'un pour te tenir, t'as un peu l'impression que j'ai réussi, je suis à Marseille, je suis à Lyon. À Lyon t'as un Jean-Michel Aulas qui, malgré que je l'aime pas forcément, va quand même serrer la ceinture, va tenir les joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Dans des clubs comme ça, si t'as personne pour les tenir, les mecs ils se disent ça y est, j'ai gagné, j'ai réussi. Alors qu'à Lorient ou à Nantes, faut aller bosser quand même, parce que t'es à Lorient ou à Nantes, t'es dans un petit club, et si tu veux progresser, faut bosser, quoi. Et là, les joueurs, ils se disent, j'ai réussi, c'est bon, je sors en boîte tous les soirs. Mais c'est clair. Et je pense que Bielsa, il a plus ou moins à tenir ses joueurs, clairement, et que c'est dommage qu'il lui ait fait un coup de pute pareil, le dirigeant. Bielsa, il ne faisait pas forcément tenir par par l'autorité, mais par le travail. Le travail, ça suffit. Ça marche. Oui, ça marche. Alors après, c'est ce qu'ils disaient Mandanda aussi en interview qui est sorti aujourd'hui. Ils disaient qu'ils étaient au bout de 6 mois, c'était quand même cramé, qu'ils en pouvaient plus. Mais je sais pas, ça marchait quand même mieux quand ils étaient là, quoi. Juste une bonne nouvelle quand même pour remonter le moral de tout le monde. Doria et Khalifa reviennent. Ah, super. Oh, Khalifa, il nous appartient toujours. Allez, quoique, il fait pas tellement tâche, cette année. Bah non, il est pas en fin de contrat, lui. Me gâche pas mon rêve, quoi. Il y a pas encore. J'attends tellement la déclaration de Labrune fin août, mais on a notre attaquant, il s'appelle Saber Khalifa. Viens pas me gâcher mon rêve, sérieux. On va le prendre. J'espère qu'il va en claquer 18 l'année prochaine. Énorme. Alors, on va passer à une nouvelle rubrique. Alors, pour les jeux vidéo, séries, films ou livres, c'est pas forcément des choses récentes, mais on va essayer de les mettre en avant quand même. Donc, en jeux vidéo, il y a Oshi qui va nous parler de 2 jeux récents, d'ailleurs. C'est d'abord Superhot. Si tu peux décrire un peu ce que c'est le concept. Ouais, ben j'avais suivi un petit peu le développement. Superhot, c'est un FPS, c'est un jeu première personne. Je sais plus par qui il est développé, je peux regarder vite fait sur internet. Il est particulier parce que c'est un jeu en fait entre guillemets tactique, avec dans un monde un peu tout blanc et rouge avec du contraste, mais qui fait qu'en fait tout bouge autour de soi seulement quand on bouge la souris. Simplement. Donc en fait, ça permet de saisir des objets assez vite, de calculer tout en amont, tout en avant en tout cas, pour préparer les actions qu'une fois que tu pars, en fait, tout se fait d'un seul coup. Donc c'est tout en slow motion, c'est assez bien fait, c'est assez joli, même si c'est vraiment voulu que ce soit très polygonal, très épuré, voilà. C'est vraiment tout en polygone, mais c'est joli, il y a de jolies textures. Moi, j'ai trouvé ça très très sympa sur le coup. Même si l'histoire est pas super intéressante, que ça manque en fait de mode de jeu tout simplement. J'ai joué 1h30, 2h, et donc c'est un peu tu fais chaque niveau après chaque niveau pour passer, tuer ses ennemis, tout ça sans se faire tuer. Des niveaux qui sont vraiment pas faciles, mais au final j'ai pas vraiment approfondi plus que ça le test du jeu parce que j'ai trouvé ça vraiment, ça manquait de contenu au final parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Ils avaient gagné un financement participatif via Kickstarter en 2013. Donc il est sorti 3 ans après, un peu moins. Et donc on attendait beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui suivaient le développement. Et au final, le jeu est bien, le jeu est réussi, il n'y a pas de problème, mais ça manque de contenu. Alors, je sais pas encore, j'ai pas trop suivi l'actualité du jeu, s'il allait avoir du contenu qui allait être rajouté. Mais pour l'instant, c'est plus vraiment un petit jeu en skill game où on s'amuse à essayer de faire des jolies vidéos, des jolis trucs. Parce qu'on peut vraiment tout jeter, on peut tirer avec son flingue, il y a des pistolets automatiques, on peut les jeter, on peut ramasser des bouteilles, quoi que ce soit, pour tout tirer sur les ennemis, on peut même taper au poing. Et il y a vraiment des jolis skills, des jolis kills à faire, mais c'est pas super non plus super non plus intéressant à la longue en tout cas. Je sais pas si un de vous qui a testé, mais non. Par contre, j'ai entendu dire que vers la fin du mode scénario, t'as un nouveau pas mode de jeu, mais une nouvelle façon de voir le jeu qui est intéressante, mais pas très exploitée. Donc peut-être que ça se renouvelle un peu, mais trop sur la fin en fait. C'est un peu ce que j'avais entendu. Mais c'est vrai que le concept du jeu est pas mal avec ce style un peu slow motion ou stop motion. Bah oui, c'est super prometteur en tout cas. Ouais, il est plutôt bien noté quoi, il sait sûrement donc. Oui, non, mais c'est un bon jeu maintenant, voilà, c'est que. Ça fait 3 ans qu'on entend parler, c'est un peu creux, c'est ça, il y aurait peut-être eu moyen, même sans aller plus loin dans un vrai scénario pour en faire vraiment un gros jeu triple A. Non, juste mettre un peu plus des modes de jeu, des choses comme ça, pour justement exploiter ce truc du. Ça, rien ne bouge, tout est fixé, pendant qu'on bouge pas, pendant qu'on calcule ce qu'on peut faire, qu'on avance petit à petit pour voir un peu où les ennemis arrivent. Je pense qu'il y aurait des choses à faire un peu plus, voire même du coop, des choses comme ça qui auraient pu être intéressantes. Alors on revient vers toi un petit peu plus tard pour Portal Knight, on va tourner un peu. Donc ça va être à mon tour, je vais parler de Unnormal Lost Phone. J'ai fait un sujet il y a fin février en fait, pour parler un peu du jeu. C'est un jeu gratuit qu'on peut jouer sur navigateur. Et d'ailleurs, ce qui est conseillé de jouer sur navigateur, c'est sur... tu peux jouer sur ton mobile par exemple, ça fonctionne très bien. Donc en fait, le concept du jeu, c'est on vient de trouver un téléphone et donc on fouille dedans pour comprendre un peu ce qui se passe. Alors on peut y lire les SMS et découvrir quelques secrets par la suite. Dans les SMS, on comprend assez vite que le jeune homme en fait est porté disparu et donc on va essayer de comprendre pourquoi et trouver un peu le fin mot de l'histoire, même si savoir que c'est un petit jeu et qui finit en 40 minutes à peu près, 30-40 minutes. Oui, voilà, ouais, c'est le temps de tout lire et encore, je pense. Certains feignants ont peut-être pas tout lu à fond, mais c'est vrai que... Bon, finalement, on se prend assez vite, hein, au fil des minutes. Ouais, quand t'es pas doué comme moi, tu peux mettre une bonne heure. Ouais, moi, je pense que j'ai mis 45 minutes, une heure. Moi, j'ai triché pour le dernier code, hein, je l'avoue, j'arrivais pas à le trouver. J'ai mis une heure et j'ai triché quand même. Hein. Moi, j'ai compris tout de suite à quoi ça allait correspondre. Donc. Non, mais pense, c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa, c'est que t'avais fait toi, quand t'avais parlé, je crois, le premier sur le forum, j'ai testé assez vite. C'est vrai que l'ambiance est surprenante très très vite. C'est pas évident, un truc aussi épuré et minimaliste que ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Ah, c'est super basique en fait. C'est faut lire les SMS, voir, regarder quelques photos, et puis après on doit trouver des codes pour se connecter à une application de rencontre en fait. C'est super simple, mais le concept est assez original et l'histoire aussi est bien foutue. Après, il m'aurait presque fallu une version plus longue quoi. Tu commences à rentrer dedans et ça se termine. Ouais, voilà, c'est un peu court. Et voilà, donc c'est un petit jeu gratuit que vous pouvez faire sur mobile ou sur votre PC ou Mac. C'est très simple, on comprend très vite le fonctionnement. C'est dispo en français notamment. Donc vous pouvez trouver le lien sur le forum dans la rubrique jeux vidéo. On va passer à à Matt. Est-ce que t'as un jeu, parce que j'ai fait une erreur. Bah c'était celui-là. Ah merde. Ah mais oui, donc, parce que en fait je voyais Lost Phone. Ah excuse-moi alors. Bah, je sais pas si moi je vais vous parler de Lost Phone qui est très bien. non c'était pas, j'ai rajouté, hein, il était sympa et voilà, un peu court, mais apparemment c'était vraiment une version qu'ils ont développée assez rapidement et ils cherchent à en faire une plus longue prochainement si j'ai bien compris. Donc est-ce qu'on jouera la plus longue une fois qu'on connaît l'histoire, je sais pas forcément, mais ils ont un bon filon et j'ai trouvé ça assez sympathique, donc voilà. En fait, pour expliquer, ouais, c'était lors d'une game jam. C'est un week-end où en fait où des développeurs indépendants se regroupent pour créer un petit concept marrant comme ça. Et donc, ça a été fait en un week-end et ils ont peaufiné un petit peu les traductions depuis. Et ils vont. À la base, ils voulaient pas faire une nouvelle version, mais là, normalement, ils devraient faire une version un peu plus longue, plus détaillée, peut-être plus jolie graphiquement. Ah bah du coup excuse-moi puisque j'ai vu les notes là juste en faisant l'émission, sinon j'aurais parlé d'un autre jeu. Alors Max, tu voulais parler de Pro Basket Manager. Ouais, alors c'est même Pro Basketball Manager. Quand j'ai tapé le titre, je me suis planté, mais en fait, c'est un jeu. Bah, en fait, c'est un jeu développé par Yumik Studio et Cyanide, voilà, que certains connaissent pour Pro Cycling Manager. Donc, bah, comme son nom l'indique, en fait, c'est un jeu de management, mais sur une équipe de basket, sur du basket. Ce qui est plutôt bien, c'est que vous pouvez gérer que ce soit une équipe NBA ou une équipe, une équipe française de, je crois que ça va jusqu'à la 4e division, donc c'est quand même pas mal. Ah oui, quoi. Il y a quand même, il y a pas mal de, voilà. Le seul truc qui est un peu chiant, c'est que les noms sont pas tout à fait les mêmes. Il y a souvent une lettre qui change, mais après sur internet vous pouvez très facilement trouver des databases avec les vrais noms, donc c'est pas ce qui est le plus chiant. Et là vraiment, là c'est vraiment plus que dans FM, je trouve que l'entraînement est vraiment beaucoup plus important. En gros, si t'entraînes pas des joueurs, ils progressent pas, quoi, clairement. Voilà, pas du tout. Voilà, et faut tu fasses pendant les matchs, t'as plusieurs, faut tu fasses les rotations et tout. Donc c'est vraiment un jeu. C'est un jeu assez chronophage, clairement. Voilà. Dès que vous êtes lancé dedans, moi je suis lancé dedans depuis 2-3 jours là, et je joue qu'à ça, quoi. Je suis tout le temps dessus et c'est vraiment sympa, hein, ouais. Et le rendu des matchs est sympa. Bah, ouais, sympa. Il y a moteur 2D et 3D. Donc il y en a, voilà, tu peux avoir les deux, mais c'est vraiment sympa. Voilà, ce qui est sympa, c'est que soit tu peux simuler les matchs, comme dans tous les jeux de simulation, quoi. Enfin, de management, mais tu peux aussi, parce que comme c'est par carton, tu peux simuler un carton si tu veux. Ah, si y a un carton, tu peux le simuler, voilà, tous les cartons que tu veux, enfin voilà, donc c'est vraiment sympa. Au quatrième tout de suite. Ouais, tu peux, voilà, si par exemple t'es au début du quatrième carton, t'as 20 points de retard, tu peux simuler le carton et puis voilà, comme ça le match passe plus vite et t'es pas chier à avoir le quatrième carton alors que tu sais, tu pourras jamais revenir, quoi. Ok. Donc voilà. Très sympa. Tu fais rentrer Céline Dumère, comme ça tu gagnes. Ouais, parce qu'en plus il y a d'ailleurs les équipes féminines aussi, si vous voulez gérer les équipes féminines, vous pouvez. C'est, par contre, la base féminine est beaucoup moins étendue, par contre. Ah, après, c'est déjà le plus que Football Manager où il y a aucune fille, hein. C'est ça, ouais, non, mais franchement, c'est vraiment sympa. Enfin, franchement, là, c'est parce que bon, Football Manager, tu peux lancer le match en gros et ne même pas le regarder parce que t'as même pas besoin de faire des changements, quoi, quasiment. Alors que là, si tu fais pas de changement, les gars, ils vont être cramés, donc voilà. Et si t'as un joueur qui est pas bon, le truc c'est que FM, même si t'as un joueur qui est pas bon, si les 10 autres sont bons, ça va. Là, si t'en as un qui est pas bon, généralement ton équipe elle tourne pas, quoi. Donc non, c'est vraiment, tu peux même créer toi-même tes propres systèmes et tout, vraiment voilà. C'est il est assez complet, donc en plus il est pas super cher, il coûte 20€ sur Steam, donc voilà. Parfait. Alors on termine avec Oshi qui voulait parler de Portal Knights. Bah ouais, c'est vrai que du coup je pensais pas super hot, mais ça va vite. Et ça fait 2-3 jours que je me suis mis à jouer à Portal Knights via un pote en fait qui m'avait parlé de ce jeu. Alors c'est un dérivé de Minecraft, comme il y en a beaucoup qui se font depuis 5 ans et depuis que le style a vraiment marché. Mais ça a une particularité, peut-être un peu plus que d'autres, c'est que ça doit être en accès anticipé, c'est vraiment jouable très facilement, c'est 15€ pour l'instant, alors c'est encore en alpha. Et puis c'est pas que Minecraft en fait, on peut effectivement construire ce qu'on veut, tout casser ce qu'on veut comme on veut assez facilement, mais c'est vraiment pas le but du jeu. Le but, il est vraiment très RPG, très très très très roleplay. Il est vraiment très sympa. Franchement, pour un jeu qui vient juste de sortir vraiment, hein, parce qu'il est sorti il y a juste quelques semaines, même s'il est en accès anticipé, il y a quand même pas mal de contenu. Donc grosso modo, le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'on fait un personnage comme on veut, on est tranquille, on a 4 classes différentes à choisir, et du coup on démarre dans le premier univers, c'est une sorte de toute petite planète en fait, dans lequel on peut, avec des choses différentes, des monstres différents, des choses à casser, à crafter, à construire, tout ça. Mais il y a 44 univers différents. Il faut savoir qu'à chaque nouvelle partie, chaque univers est en fait reconstruit aléatoirement en fait à chaque fois. Donc voilà, c'est très sympa, c'est tout con à jouer, c'est assez facile. Tu peux jouer en multi-coop, il y a vraiment plein de choses à faire. Et voilà, je suis assez tombé amoureux de ce petit jeu. J'ai pas encore joué beaucoup, j'ai joué une heure de jeu, mais pour l'instant, enfin, je m'éclate beaucoup. Et à essayer pour ceux qui sont tentés, quoi, vraiment. C'est sorti officiellement ou c'est un early access? C'est encore un early access sur Steam. Ah, d'accord. Okay. Mais bon, le early access, il est sorti il y a le 25 février, donc il y a 6 semaines. Il est à 15€. Ok, parfait. Alors voilà pour les jeux vidéo, on passe aux séries maintenant, et on va commencer avec Matt et House of Cards de Netflix. Spoil pas trop, Matt. Non, je vais pas spoiler, t'inquiète, je vais faire attention. C'est la dernière série que j'ai vue, c'est pour ça que j'en parle, mais j'étais un peu déçu en fait. Parce que je trouve qu'on commence un peu à tourner en rond, Alors après, c'est sans spoiler, parce que je crois que la dernière saison se termine là-dessus. On est en campagne pour aller vers la présidentielle américaine, comme en vrai en fait. Et donc voilà, et je trouve qu'on tourne un peu en rond. Voilà, c'est on a compris depuis 2-3 ans que Frank Underwood était un, comment tu peux dire ça sans gros mot, un monsieur pas bien, on va dire. Et, tu peux y aller. Hein. Et, un gros con, hein, non, j'allais dire, quelque chose de plus mal poli, mais voilà. Un enculé. Et, voilà. En plus, c'est exactement le mot que j'avais, voilà. Et un gros enculé, voilà. Et du coup, voilà, j'ai été un peu déçu, d'habitude. Il y a toujours, au moins, ou des épisodes où, bon, là, il y a un épisode où je m'y attendais pas. Mais sinon, voilà, j'étais un peu déçu. Je me demande s'ils sont pas en train de faire les saisons de trop, en fait. Après, c'est, ça reste un... C'est prometteur ce que tu dis, parce que la saison 4 est déjà chiante, j'ai trouvé, moi. Ouais, bah tu me diras, j'ai pas du tout lu les avis sur Internet. Ça se trouve, les gens pensent pas du tout comme moi. Tout le monde dit que c'est merveilleux. Mais quand tu l'auras vu, tu marqueras sur le forum ce que t'en penses. Okay. Mais moi, j'ai été assez déçu. Je trouvais que ça tournait en rond, voilà, quoi. Malgré tout, la saison 4, ça s'est avec le russe, tout ça, c'est ça? Oui. Oui. Ouais, il y a quand même, je trouve, des quelques schémas narratifs. Oui, des arcs narratifs qui se mettent en place, mais c'est long, mais... avec sa femme, alors, c'est là, long. Y en a pas c'est tant long. Que ça, c'est, voilà. Oh, enfin, putain. Ça. Faut pas regarder le soir, quoi. Non, je vais m'endormir. Ouais, bah, en plus, c'est, sans spoiler, je te dis juste, tu vas découvrir Belle Maman aussi, voilà. Quoi. D'accord. Ouais. Donc, j'étais vraiment un peu déçu. Je regarderai sûrement encore une saison, mais c'est la même chose, je passe très longtemps. Donc on va parler maintenant de Colony avec Oshi. Ouais, ben Colony. J'avais entendu parler, ben pareil, je suivais un petit peu les séries qui allaient sortir cette année en début de saison. Il y avait cette série qui avait l'air encore un peu sympa, science-fiction, tout ça, notamment créée par Carlton Cuse et Ryan Coldall. Ryan Carlton Cuse, c'est quelqu'un qui a bossé avec, qui est un des scénaristes de Lost, donc je suis grand fan. Du coup, voilà, je me dis science-fiction, un mec de Lost, ça pourrait être vraiment pas mal. J'ai commencé sur le tard, la première saison. Donc voilà, faut savoir que c'est Josh Holloway qui interprète le rôle principal, celui qui jouait Sawyer dans Lost. C'est Sarah Wayne Collis qui joue le deuxième rôle, qui était, comment elle s'appelle, ouais, dans Prison Break, là. Sarah Tancredi. Oh là là, Sarah Tancredi dans Prison Break. Et donc, bon, il y a quand même pas mal de sortes de petits rôles, de séries qu'on a tous déjà vues, comme Peter Jacobson qui jouait dans Doctor House, là, qui jouait là, je sais plus son nom en plus, parce que pareil, les personnages, c'est chiant. Il y a aussi l'ancienne meuf de Profiler, l'ancienne meuf de Cold Case, enfin, il y a plein qu'on a déjà vu, en fait. C'est sympa. Mais bref, voilà, moi, au début, je trouvais ça vraiment long. Donc, en gros, le pitch, c'est quoi? C'est, il y a un futur proche, en fait. Il y a eu, ça fait juste un an après que les extraterrestres soient arrivés aux États-Unis. Ils ont juste découpé les villes en grosses sortes de colonies, justement. Et il y a un peu tout le reste qui a été détruit aux côtés. On sait pas trop ce qui se passe en dehors. C'est vraiment joué comme ça. Il faut pas s'attendre à voir des extraterrestres. Faut savoir qu'on les voit quasiment pas. Voire même on les voit pas parce que on sort un peu plus à la fin. C'est vraiment très centré sur la vie, comment ça se passe dans les colonies. Le personnage principal qui se cache, mais qui en fait était un ancien de la CIA et qui du coup se fait recruter par les occupants pour retrouver son fils qui, lors de l'arrivée des extraterrestres, s'est retrouvé dans une autre colonie. Et sa femme qui du coup, elle par contre, bosse avec les résistants et lui ne le sait pas. Donc il y a ces histoires un petit peu à la drama américaine où lui apprend finalement qu'elle est résistante, mais elle sait pas qui c'est, tout ça, machin, tout ça. Il y a le fils qui est résistant. Donc il y a même des histoires comme ça. Ça met vraiment du temps à se mettre en place au début, vraiment c'est chiant. Mais la saison fait que 10 épisodes et au bout du 3/4e, ça commence à se mettre en place. C'est pas si gentil joli que ça. Des actions assez ainsi violentes qui se passent, et ça change un petit peu du drama à la base américain, jusqu'à bon bah un cliff final où il y a rien, absolument rien qui se règle et qui prépare pour une deuxième saison qui aura lieu l'année prochaine. À tenter, c'est 10 épisodes, c'est pas tant science-fiction que ça pour les gens que ça rebute, et finalement il se passe des choses, c'est assez rigolo et ça se regarde assez facilement. Parfait. Personne n'a vu. Moi, j'ai un problème de plus en plus. Non, bah non, mais je vais peut-être tenter. Ouais, t'as dit 10 épisodes, ça va, c'est assez. Ouais, cool. 10 épisodes, ça se va vite, oui, c'est tout ce qui. Moi, j'ai de plus en plus un problème avec. J'ai une histoire assez récente avec les séries. Je me suis mis il y a 4-5 ans à peine. Et du coup, j'ai raté toutes les meilleures que sont Lost, Fringe et compagnie. Mais du coup, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a toujours la saison de trop, en fait. Parce que ça marche, faut toujours aller plus loin. Je sais pas ce que t'en penses sur. Bah, parce qu'on regarde tous les deux, c'était sur Quantico. Mais par exemple, tu faisais ça en 12-13 épisodes, ça pouvait être très bien, quoi. Mais le fait de rallonger les trucs en permanence, c'est un peu House of Cards, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu ce qui me tient de plus en plus avec la série, c'est qu'il y a besoin de rallonger et d'aller jusqu'à temps que ça marche plus pour avoir une fin, en fait. Là, par exemple, Quantico, on sait très bien que on n'aura pas de fin parce qu'ils vont vouloir faire une saison 2 et patati et patata, quoi. Ouais, et puis Quantico, en plus, c'est parti tellement vite, tellement fort que je pense qu'ils ont ils ont épuisé tout ce qu'ils pouvaient en termes de trahison et tout ça, et... C'est, maintenant, ça devient dur, quoi. On sent qu'il souffre à écrire des épisodes qui tiennent un peu la route. Je sais pas, moi, franchement, pour en tout cas pour Colony, je sais pas vraiment sur quoi il se base, si c'est un scénario original ou si ça, c'est, ça, je trouve que c'est, il y a, je crois pas que ce soit tiré d'un roman. Clairement, la saison 2, elle est pas trop, faut continuer l'histoire. Après, s'il faut vraiment des saisons de 10 épisodes, c'est vrai qu'ils peuvent régler ça en 3 ou 4 saisons, ils terminent et c'est tout bon. Mais c'est qu'en plus, c'est toujours un séjour particulier, c'est vraiment la mode des séries, toujours arriver à faire beaucoup de saisons, le budget c'est de faire de la thune quand même. Mais c'est, là, sur t'as une histoire de base, il faut quand même que ça aille jusqu'au bout. Là, vraiment, 10 épisodes, tu, finalement, tu te fais quand même pas trop trop chier, il y a 2-3 acteurs, notamment Tony Kittles, que je connaissais pas avant, j'avais jamais vu avant, que j'ai vraiment trouvé bien, qui tient vraiment, je trouve bien son rôle. Il y a pareil, il y a comment il s'appelle, Carl Weathers, qui joue le pote flic du héros, et pareil, qui a un super rôle, qui est super agréable à regarder. Donc voilà, il y a quand même 2-3 persos qui sont vraiment bien à tenir. Mais bon, oui, après, ça dépend les séries. Je sais pas, moi, je sais que pour Lost, je trouve pas qu'il y ait une saison trop, je trouve que ce soit bien, je trouve même qu'il a manqué un peu de temps, tellement ça a un peu allé trop vite au début, sans que c'était vraiment tombé en plein pendant la grève des scénaristes. Et pareil pour Fringe, je sais que ça part un peu dans le what the fuck à la dernière saison, pour ceux qui l'ont vu, mais qui au final, en fait, ça ravive un petit peu tout, puis ça finit, puis c'est cool, en fait. Donc après, voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries, des fois que ça traîne un petit peu, mais les meilleurs, non, donc bon. Bah après, comme je te dis, je suis arrivé après les meilleurs, malheureusement. Oui, mais tu les rattrapes maintenant, du coup. Bah en fait, Fringe, j'ai commencé, mais Lost, on m'a tellement spoilé que c'est mort, quoi. Ouais. Tu vois, quand tu connais la fin et tout, c'est un peu compliqué de te dire, allez, je vais me taper 5 ou 6 saisons. Enfin, je sais pas, il y en a combien pour Lost, mais... Il y en a 6. Ouais, il y a 6, ouais, j'étais pas loin. Mais Fringe, j'ai vu la première saison déjà, mais il faut que j'enchaîne après. Lost aussi, ouais, le plaisir de suivre sur le moment, faire des théories à la con et tout. Ouais. C'était plus ça que Lost, en après-coup, ça va être un peu moins marrant. C'est que moi j'avais suivi vraiment au fur et à mesure et... Moi Lost, j'avais eu du mal sur la fin, j'avais suivi 3-4 saisons bien à fond et les dernières j'ai eu beaucoup de mal, quoi. Je sais pas pourquoi, mais... D'ailleurs j'ai du mal avec les séries qui durent plus de 3-4 saisons, après j'ai un peu de mal à suivre. Tu préfères les séries annulées tout de suite la première saison? Au bout de 3 épisodes. Non, mais voilà, c'est bien un peu court. Enfin, moi, je sais que c'est rare que, par exemple, c'est très rare que je regarde une série dès sa première saison, tellement j'ai connu des annulations frustrantes à mort, que maintenant j'attends presque 3-4 saisons, voire que la série se finisse pour la regarder. Parce que pour me dire, peut-être qu'il y aura une fin où je vois comment les gens en parlent, ils disent, il n'y a pas de fin, ça se finit pas, je la regarde pas, c'est pas la peine, ça fait chier. Pour l'instant, je suis assez épargné avec ça. Hormis Boss, où ça s'était terminé en queue de poisson, et voilà. Mais sinon, je crois que tu l'avais vu aussi, Steve Boss. Ouais. C'était à Chicago, rappelle-toi, politique. Ouais, voilà. Ouais, mais où ça s'est terminé, voilà, j'étais resté sur ma fin. Sinon, pour l'instant, des séries que je regarde, tu l'avais parlé, elles continuent, donc ça va. Mais c'est vrai que ça doit être horrible, ça. Oh, à force, on s'y fait. Hein. Moi, j'ai regardé pas mal de séries qui sont arrêtées. Laissez-moi mon innocence. On s'y fait. Ouais, j'ai surtout suivi une série qui est partie en couille. Donc après, j'ai lâché, donc je sais même pas si ça va continuer ou pas, mais. Under the Dome, c'est parti. Ah, Under the Dome, ah oui. Ça, bah, c'est annulé. C'est normal. Ouais, putain, tu m'étonnes. J'ai commencé la saison 3, j'ai regardé le pilote, la saison 3, j'ai arrêté, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est bon, non, mais c'est bon. Sauf qu'en plus, non, mais c'est un pitch prometteur, un bouquin de Stephen King qui est sympa, même s'il se finit pas du tout comme se finit la série. Et la série qui est partie dans un what the fuck, pas possible, même au niveau des personnages, c'en est même drôle, en fait. C'est n'importe quoi, clairement. Le mec, il baise le mari de la meuf, et 8 épisodes après, elle le sait, mais c'est bon, ils sont quand même ensemble, t'inquiète, c'est bon. Faut arrêter, c'est illogique possible. C'est complètement con, c'est génial. Dans le même style, je fais une dédicace à Val, qui était le seul à regarder avec moi et qui lui était jusqu'au bout. Moi j'ai pas eu le courage. Comment tu m'énerves, tu sais. Ah, c'était moi. Mais en plus l'idée de départ elle est tellement géniale. Voilà, le courant l'énergie même a disparu du monde et tout, c'est génial quoi. Et alors déjà à fin de saison 1 ça part perdant. Mais alors la saison 2 j'ai tenu 2-3 épisodes je crois. C'est quelle série que tu parles ça? Révolution. Ah Révolution, j'ai pas osé regarder, j'ai bien fait je crois. Tu m'étais arrêté. Bah, la première ça franchement ça prenait la route quoi. Ouais, moi j'avais ça, moi j'avais 3-4 ans avant j'avais regardé Jericho comme ça qui est le monde après une explosion nucléaire en fait et oh putain j'ai même pas fini la première saison en fait tellement j'avais demandé à Val mais il m'avait jamais répondu, j'aurais rêvé de connaître comment ça se termine en fait, c'est vrai qu'on me raconte vite fait quoi parce que je vais pas me regarder assez, mais ça partait tellement cacahuète, les gens qui meurent mais qui en fait ont le pouvoir de revenir de la mort ou je sais pas quoi, je dis ouais c'est bon, surtout bah après quand t'es dans une série fantastique ça peut passer, Game of Thrones, ça peut passer, quoi. Mais là, t'es sur une série, tout ce qu'il y a de plus classe, normalement, et après, c'est la saison 2, je sais pas ce qu'ils ont fumé, les scénaristes, mais c'était bien par contre, cacahuète. Mais Revolution, Flash Forward, tout ça, c'est ceux qui ont voulu surfer un peu sur l'idée de The Lost. Bien sûr, ouais. Flash Forward, j'avais suivi pour le coup, c'était n'importe quoi. Flash Forward, ça aurait presque mérité une saison 2, là. Ah bah Bah voilà, ouais, mais bon. comme quoi j'ai connu cette série qui s'est arrêtée. Ça Mais change rien, voilà, ouais. ouais. Effectivement. Alors je vais parler vite fait de Daredevil, donc arrivé aussi sur Netflix en mars. Et donc la saison 2 repart un peu sur une autre trame en fait. On a deux mêmes, on va dire deux trames distinctes, avec la première Punisher qui fait son entrée dans l'univers de la série. Et la deuxième ce sera l'arrivée d'Elektra. Il y a une part de fantasy qui s'invite dans la saison. Et je trouve que la saison est très réussie, beaucoup plus consistante que la première, mieux rythmée. Justement, le fait d'avoir séparé en deux sous-parties la saison, je trouve que c'est une bonne idée. Il n'y a pas vraiment pas de temps mort et on a même un finish de 3 à 4 épisodes qui sont plutôt bien foutus. C'était vraiment prenant comme saison. Donc, si vous avez vu la première saison que vous avez aimé, c'est pas dit que vous adoriez parce que le ton est un peu différent. Mais je trouve que c'est une bonne évolution à la série et qui montre aussi que Netflix est vraiment sur la bonne voie avec les séries de super-héros. Et tiens, moi j'ai pas regardé Daredevil, j'ai pas encore eu l'occasion, pourtant j'ai Netflix, mais un manque de temps aussi. Ça vaut le coup, pas vraiment. Daredevil, ouais, je trouve. Après la première saison, c'est, il y a beaucoup d'action, mais il y a aussi des moments un peu pas chiant, mais c'est très posé, très calme. La série Ouais. sait prendre son temps. Mais j'ai préféré largement Daredevil à Jessica Jones. Ouais, ce que j'allais D'accord. dire, je crois que toi t'as préféré, ouais, ce que j'allais Alors comprendre. j'ai l'impression que la Moi, plupart des franchement, gens j'ai ont bien. préféré J.K. Jones, quoi, c'est ça? Il y en a plein qui ont préféré, non? J.K. Jones, qu'on a Ouais, kiffé. c'est. Il y en Non, a non, plus, je crois hein, que c'est quand j'ai même plus plus trop de. Daredevil, non? Bah, Moi, sur j'ai le entendu forum, beaucoup c'est plus de plutôt compliments. Daredevil. Après, un peu partout ailleurs, c'est plutôt Jessica Jones qui a Après, apprécié. franchement, bon, que ce soit même en les séries Netflix, de toute façon, je trouve que ça reste vraiment de la qualité quand même, quoi. Et Franchement, ah oui, ouais. c'est sûr. C'est, Ça, ils sont bons là-dedans, quoi. c'était pas dit, et franchement, ouais. Parce que même House of Cards, c'est Netflix. J'ai pas vu Narcos, mais j'en ai entendu du bien. C'est Netflix, voilà quoi. Donc après, oui, ils savent quand même faire. Bah moi, Daredevil, ouais, j'avais beaucoup aimé la saison 1. Bon, je sais pas dire, je sais pas, tu Daredevil, je sais pas comment on peut dire. Bref, Jessica Jones, pareil, j'ai bien aimé la saison 1 aussi. J'avais trouvé le personnage de, je vais pas dire qui il est pour pas spoiler, mais de David Tennant, il était juste parfait. Enfin, je l'avais trouvé très bon ce personnage-là. Et voilà, non, franchement, je trouve qu'ils font son bien. Et la saison 2, bah là, je dois bientôt la commencer dans la semaine. Donc, voilà. Alors Max, tu voulais parler ensuite de disparu. Disparu. Ouais, Disparu, alors c'est une série française. Hein. Je critique beaucoup les séries françaises, mais celle-ci, j'ai trouvé vraiment bien. C'est une série qui est passée sur France 2. Elle a duré une saison et elle durera pas plus parce que voilà, l'histoire termine. Donc voilà. Pour dire vite fait l'histoire, en fait, bah, c'est une adolescente qui disparaît, et en fait, bah, si tu veux, voilà, il y a une enquête qui commence, qui est voilà, ensuite, pour savoir, enfin, si elle est morte, si voilà, si elle est partie, Si elle est si on l'a disparue. quitté, voilà, si on l'a enlevée ou si elle est partie d'elle-même et tout, et voilà, ça tourne. Donc on voit la famille, comment elle réagit et tout au fil des épisodes, au fil des trucs qui sortent, des secrets qui sortent aussi, voilà, de l'enquête qui avance. Et il y a donc dans la série, il y a donc PEF, hein, pour ceux qui, voilà, je pense que tout le monde François connaît. Il y Martin a Laval. voilà, ouais. Il y a C'est exactement ce qu'il voulait faire. il y a François-Xavier de Maison, il y a Zoé Marshall, dont le papa est très très connu, hein, voilà. C'est la fille d'Olivier Marshall, et c'est franchement bien, bien joué. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Ça dure, il y a 8 ou 9 épisodes, je crois, et c'est plutôt sympa. Je crois que même elle est sortie en DVD d'ailleurs, donc voilà, pour ceux qui veulent voir et tout. C'était sur Canal? Non, sur France 2. Ah d'accord. C'est une Ah oui, série je vois France Télé. ça. Ah pas mal. Voilà. Et tu voulais évoquer sinon Le Secret d'Élise. Ouais, donc là c'est pareil, c'est aussi une série française, et c'est aussi elle a aussi duré une seule saison. Là l'histoire elle est un peu plus, enfin, bizarre. En fait, au départ c'est une gamine qui disparaît, qu'on retrouve morte en 1969. Donc tu suis un peu l'enquête. En fait, tu suis trois épisodes en même temps. Donc il y a 1969, 1986 et 2015. Et donc en fait, donc en 1969, tu suis un peu l'enquête, voilà, en temps réel, quoi. Alors l'époque 1986, elle est un peu plus chelou, parce que en fait, c'est un couple qui habite la maison des parents de la gamine qui a été tuée, et leur fille, en fait, discute avec une certaine Élise, donc la fille D'accord, ouais, un disparue, truc un peu voilà. fantastique. Un peu fantastique, ouais, voilà. Et après en 2015, en fait, tu vois la mère de la gamine. Donc, bah, qui a vieilli évidemment, qui a eu voilà, qui a eu le en fait son mari quand il est mort lui a donné lui a dit la vérité sur la mort de sa fille. Et donc en fait elle va continuer l'enquête pour essayer de confondre celui qui a tué sa fille. Donc c'est sympa. Comme j'ai dit, à part l'époque 86 qui est un peu bizarre, un peu fantastique et tout. Sinon le reste est quand même assez assez sympa quoi. Voilà, et à la fin on découvre qui a tué la gamine et pourquoi. Voilà. C'est très sympa. Tu vas pas le révéler. Okay. Non, je le révèle pas, non. Ah, le début, quand tu parlais de la série, je pensais que c'était un peu un trou détective à la française. L'enquête sur deux époques. Mais bon, si c'est un peu plus. On voyage en troisième époque. Ouais, voilà. Quand j'ai l'époque 86, elle est un peu. Moi, je la trouve un peu bizarre. Je trouve qu'elle apporte pas forcément grand chose finalement à la série, en fait. C'est ça le truc. Ah, c'est plus pour l'ambiance, peut-être. Ouais, voilà. L'épisode où la gamine, est tuée, machin, voilà. La dernière époque et tout, ça apporte vachement. Celle du milieu, j'ai un peu de mal, quoi. Mais voilà. Mais sinon, c'est une série très sympa à suivre, quoi. Ok. On voulait terminer. C'est une série TF1. Pour ceux qui n'aiment pas les productions TF1, c'est une série TF1, mais qui est très très bien. Ok. Oui, c'est pas un truc policier. C'est pas Julie Lescaut. C'est une ange gardien. Non, du tout. Alors, pour conclure, certains voulaient parler de The Walking Dead, la saison 6 qui s'est terminée hier soir. Bon, on triche un peu parce qu'on est en début avril, mais on va en parler un peu. Alors, sans trop révéler ce qui se passe, Oshi, je te laisse la parole. Un peu Ok, c'est une série particulière. C'est quand même la série qui a un potentiel pas possible et qui s'évertue quand même à faire des saisons longues comme pas possible avec des épisodes chiants et des arcs insupportables. Ça va quand même mieux depuis deux saisons, voire trois saisons. Et c'est la fin de la saison 2, la pire, je crois. La saison 2, je crois qu'avec les six premiers épisodes où ils cherchent la gamine et ça dure des plombes, il se passe rien, c'était fou. Là, ça va quand même mieux, notamment cette saison 6 qui, je trouve, depuis le retour, la deuxième partie, c'est allé dans tous les sens. C'est vraiment parti très très fort et violent et vraiment des trucs. Bon, déjà que la série est pas forcément super, saine au niveau psychologique, on va dire. C'est quand même beaucoup de meurtres et surtout de problèmes entre humains et humains. Là, c'était vraiment parti méchamment. Et je trouve que ces deux derniers épisodes, tout en mettant en place des cliffhangers, je trouve que ça tourne vraiment notre boudin et ça a été longué de faire un double épisode là quasiment pour le final, pour finalement montrer rien, parce qu'il faut pas s'attendre à ce qu'ils montrent quelque chose. C'était pas la peine. Enfin franchement, c'était pas la peine quoi. Ils auraient fait, je sais pas, soit avancer un peu plus, soit finir ça plus tôt, soit montrer autre chose. Mais c'est vraiment, ça a encore vraiment tourné en rond pour préparer un gros cliff pour que tout le monde soit à fond pour la saison 7 l'année prochaine quoi. Je veux dire, on aurait été à fond quoi qu'il en soit, mais je sais pas. De toute façon, ça va forcément finir par tourner en rond. Il y a un moment en fait où cette série, vu en mesure où ils se concentrent pas sur comment vivre et comment survivre maintenant ici, et que ça fait juste 3 ans qu'on est sur à nouveau des conflits avec à nouveau d'autres groupes, il y a un moment en fait où ça va être chiant, ça va être vraiment trop chiant, à part qu'ils trouvent autre chose à montrer quoi. Et Walking Dead c'est toujours comme ça, il t'allume, tu sens qu'il va avoir, il va se passer des trucs de fou, puis il se passe un truc de fou sur 5 minutes et puis t'as 40 minutes où tu te fais chier, où il parle il faut pas tuer machin et tout, c'est toujours un peu frustrant. Ouais, mais j'aurais vraiment accroché si c'était comme tu l'as dit un peu sur la scénario, même sur comment guérir, c'est pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire, comment trouver une solution, etc. quoi. Et après j'ai vu que c'était pas ça, j'ai un peu un peu renseigné. Bon, j'avais quand même regardé la première saison et après j'avais pas spécialement été plus loin, honte à moi, parce que tout le monde j'entends beaucoup de critiques, mais bizarrement il y a énormément de gens qui regardent quand même quoi, donc c'est oui, bien sûr. Ouais, mais moi je critique, genre je regarde. Oui, tu peux critiquer quand tu regardes forcément, mais c'est vrai que moi c'est c'est que si c'était pendant 5 saisons, les gens continueraient pas non plus à regarder, tu vois. Effectivement. Non, mais c'est que c'est perfectible, en fait. C'est que, en plus, c'est vraiment tiré d'un comique qui, lui, est vraiment parti encore plus loin dans la violence et dans l'inhumain. Et que la série essaie de tenir ça tout en gardant un petit côté un peu quand même grand public. Même si ça l'est quand même clairement pas. Je sais pas. Moi, pour moi, c'est perfectible. Elle est bien, cette série. Je la regarderai pas sinon, mais c'est perfectible. Comme Game of Thrones, par exemple. Oh, là, le mois prochain. Oui. Ouais, ça va être horrible, mais je vais regarder quand même. Mais moi j'ai dû me faire les 50 épisodes en même pas un mois, parce que sinon je me faisais trop spoiler, parce que j'avais pas regardé. Et donc là enfin je vais être à jour, je vais pouvoir les voir. Oh, t'aurais dû les lire, hein, tu serais bien plus amusé. Ouais. Et là ils sont en avance sur les livres là, c'est ça? Ça y est, on a rattrapé les livres. Il y a des arcs qui sont qui sont accélérés sur les livres et des arcs qui sont en retard par rapport aux livres. Ah, oh, franchement, moi, la série, je l'ai trouvé sympa quand même. Hein. Non, la série est bien. Moi, avec Val et Potaval, on râle parce que, et Tyler, on râle sur le forum parce que le livre est vraiment très bien écrit. Les arcs sont énormes. T'as des trucs qui commencent dans le tome 1. Tu les retrouves 3000 pages après dans le tome 5. C'est fou comme il écrit. Et c'est qu'il y a des choses qui sont tellement raccourcies et que tu pourrais presque pas mieux faire, en fait, en série. Ils sont tellement raccourcis, étriqués, voire sautés dans la série, au profit des fois d'arcs inventés, inutiles. Ah, ça rend fou, mais après, ça rend fou comme l'adaptation de Seigneur des Anneaux, tu vois. C'est, il y a un moment où c'est fait comme c'est fait, je vois pas comment ça aurait, pourrait être mieux fait. Ouais. Après, c'est juste, bon, bah, on regarde, on râle, c'est pas grave, on regarde quand même, quoi. Après, j'étais super étonné parce que je suis pas normalement du tout série fantastique, etc. Et même zombie, tout ça, je suis pas du tout très. Ou alors, en parler Marvel, mais sinon, je suis très terre à terre. Et là, on m'a harcelé pour regarder. Vas-y, regarde, c'est génial. Et c'est vrai que, bah, du coup, j'ai regardé. Et je te dis, j'ai fait les 50 épisodes en même pas un mois, quoi. Donc, non, mais c'est bien fait. Ça m'a moi-même étonné, en fait. Donc voilà. On va passer au film avec Matt. Tu vas garder la parole. Batman contre Superman, c'est l'un des gros films du mois de mars. Donc, j'ai mis ce film-là parce que c'est le seul que j'ai vu dernièrement avec une autre bouse innommable, enfin une bouse, c'est pas ça, mais on m'a forcé, donc je ne dirai pas le titre, mais non, celui-là, je l'ai vu. Bah, après, je suis pas forcément objectif, parce que je suis beaucoup plus Marvel que DC Comics, mais le truc, c'est que j'ai l'impression, alors déjà, le film est pas mal, il y a beaucoup de critiques, mais il se regarde quand même, c'est sympa, il y a quelques longueurs, le truc qui dure 2h40, tu le fais en 2h ou 2h10, ça change pas grand-chose, quoi. Il y a vraiment des scènes un peu inutiles où on tourne en rond, etc., et je trouve qu'ils vont un peu trop vite dans, ils ont tellement voulu rattraper en fait les Marvel et faire leur univers avec leurs super-héros, la Justice League, c'est ça, voilà, que ça va trop vite en fait. Marvel, malgré tout, ils en sont déjà au 15e ou voilà quoi. Là, d'un coup, on te présente 4-5 super-héros, on les voit dans des vidéos et on va faire un film avec eux. Donc, je spoil pas trop, parce qu'on les voit dans une vidéo dans le film. Et on va faire un film avec eux dans 2 ans, quoi. Voilà, je trouve qu'ils vont un peu trop vite pour rattraper. Ils se sont sûrement dit que Marvel avait une idée de génie pour en termes de business, en faisant des films liés les uns aux autres, et je trouve qu'ils ont un petit peu voulu rattraper ça trop vite, quoi. Personne d'autre l'a vu, sinon. Non, je sais pas si j'ai envie de le voir, d'ailleurs. Hormis qu'il y a un moment, Batman, il a vraiment le QI d'une huître, mais c'est tout. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que c'est le genre de scène où, en fait, le film pourrait s'arrêter en 2 secondes, quoi. Si le mec, il réfléchit, c'est fini, merci, au revoir, quoi. Mais du coup, c'est pas possible. C'est un peu souvent le problème avec les super-héros, je trouve. Enfin, tous les trucs de super-héros, je trouve des fois les personnages sont tellement cons que ça me sort un peu de qu'ils soient trop cons. Voilà, en gros, je vais essayer de pas spoiler. De toute façon, vous savez que c'est Batman contre Superman. Hein. Voilà. Et donc, il y a un moment, il y a une scène où ils sont pas contents l'un contre l'autre. Et donc, t'as Superman qui arrive et qui dit, écoute, Batman, on s'est fait piéger, quoi. Rien à foutre, je te défonce, c'est pas grave. Mais qui écoute même pas, c'est pas grave. Ceux qui sont censés être très intelligents, ils sont censés être chefs d'entreprise, tout ça, ouais, d'accord. Okay. C'est un peu une scène qui m'a un petit peu sorti. Ouais. Et comme d'habitude aussi, enfin, comme d'habitude, je sais pas, il y a peut-être des fans, mais la 3D sert pas à grand chose. Comme d'habitude. En tout cas, on invite Hush à te défoncer la gueule sur le forum. Pourquoi il est fan de Batman? C'est le gros fan de DC en fait, et je crois qu'il a apprécié le film. Mais en fait, c'est encore une fois, moi on se demande ce que je faisais avant dans ma vie, mais j'ai découvert un petit peu tout ça avec les films, les séries, etc. Et du coup, bah, DC Comics, ils en ont fait pas mal, je suis rentré dedans, il y a eu les agents du Shield, etc. Ils ont vraiment tissé le fil long. Et du coup, voilà, quoi. Batman, enfin, DC Comics, ils arrivaient un peu comme ça, ils ont fait, et puis en plus, ils sont impardonnables, ils ont fait Green Lantern. Alors rien que pour ça, ils sont impardonnables. Alors, Oshi, tu voulais nous parler, j'ai perdu mes notes là, hop, de New Kids Turbo. Alors, j'ai fait une petite parenthèse sur deux films en fait, qui s'appellent New Kids Turbo, New Kids Nitro. À la base, New Kids, en fait, c'est une émission de télévision humoristique du Pays-Bas néerlandais qui présente une sorte de groupe de jeunes antisociaux de la banlieue de Den Dungen, vraiment la combrousse pas possible. Je connais pas la série parce que je connais pas. Elle était quand même diffusée sur Comedy Central, mais je la connais pas. J'ai vraiment, c'est un pote qui a vu les films et qui m'a dit regarde ça, tu vas voir, c'est n'importe quoi. Et effectivement, c'est vraiment n'importe quoi. C'est une sorte de mélange entre, on pourrait dire, un peu Dickeneck pour ceux qui ont vu, Et putain, je saurais même pas dire en fait. Et c'est tous une bande de, c'est des jeunes, ils sont pas jeunes, ils ont tous entre 30 et 35 ans en fait. Ils ont tous des espèces de mulets nuls à chier. Ils boivent de la bière toute la journée. Ils s'insultent en néerlandais toute la journée. C'est du happy hardcore, c'est n'importe quoi. Il leur arrive plein de trucs à la con. C'est grossier, c'est violent, c'est vraiment rigolo parce que ça va vraiment tous les sens. Et il y a quand même un côté au final quand t'as regardé les deux films, c'est pas complètement con non plus, il y a quelque chose qui fait que il y a quand même un fond de vérité dans pourquoi ils sont cons comme ça en fait, parce que clairement ils sont bêtes. Il y a vraiment un côté un peu idiocratie mais réel ou actuel et qui est vraiment rigolo. Donc c'est une équipe de 5 qui font vraiment n'importe quoi et c'est vraiment, alors c'est assez beauf hein, comme humour clairement, mais il y a quelque chose à tenter. Si vous avez 3 heures à perdre, vous matez ces deux films et franchement il y a vraiment des scènes, ça vaut le coup. Des fois ça met très mal à l'aise parce que ça va vraiment très loin dans le mauvais goût, mais c'est vraiment classe. C'est sorti en Ouais. 2011 et 2010 et 2011, les deux. D'accord, donc ça doit être facilement trouvable en tout Oui, c'est facilement achetable gratuitement sur Internet. cas. Légalement, pardon. On va passer au livre et je vais enchaîner si tu veux, comme tu viens de parler Ouais, aussi. vas-y. Alors, moi, je vais vous présenter Tokyo Ghoul en fait. J'ai commencé par l'animé sur Netflix d'ailleurs. Il y a les deux saisons qui sont tombées coup sur coup quasiment. Et la saison 2 était tellement bizarre, tellement incompréhensible en fait que je me suis dit je vais lire les mangas. Alors par chance, j'ai mon frangin qui, enfin bon, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai mon frangin qui a la plupart des tomes, donc j'ai commencé à lire. Et donc j'ai vu que la saison 1 d'ailleurs de l'anime était assez fidèle et que la saison 2 était vraiment partie en couille. Et bref, on est à Tokyo et depuis des siècles, les créatures, les ghouls cohabitent avec les humains, même s'ils sont ennemis, les ghouls donc se nourrissent des humains. Et donc on suit Ken Kaneki qui est un jeune homme, un jeune étudiant qui se fait draguer par une fille. Et sauf que c'est un ghoul et il se fait attaquer dans une ruelle comme ça. Mais il est sauvé par une chute de trucs de travaux là. Et il se fait opérer, il se fait greffer des organes de la ghoul et donc il devient moitié humain, moitié ghoul. Et donc il va entrer un peu dans la famille des ghouls, dans un repère où il va apprendre un peu ce que c'est la vie de ses ennemis en fait, des ennemis des humains. Et donc c'est assez sombre et ça monte en puissance en fait. Les deux Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul RE, ça démarre timidement mais ça monte bien en puissance pour avoir des enjeux assez importants. Et donc l'auteur du manga qui s'appelle Sui Ishida commence vraiment à placer les pions en fait. Il a donné quelques pistes dans le premier dans Tokyo Ghoul et on commence à avoir un peu les conséquences ici et je trouve c'est vachement bien écrit. Et en gros, c'est entre du thriller fantastique avec quelques combats. L'univers est assez adulte en plus, donc c'est pas mal. Et on va Très repasser bien. à Oshi avec The Oui, Expanse. wouhou. Alors, The Expanse, ben, j'ai peut-être entendu parler parce que c'est une série qui est sortie cette année via sur Sci-Fi, je crois. C'est science-fiction. Moi, Ouais. je suis fou de science-fiction, du coup, forcément, j'avais suivi cette série en me disant j'attends un peu voir ce que ça donne. Sauf que pendant ce temps, pareil, le même pote qui m'a conseillé une question m'a dit d'ailleurs, ouais, ça me saoule, j'en ai marre des séries comme ça et tout. Ça tire à un bouquin, je vais lire le bouquin. Et puis, c'est pas quelqu'un qui lit régulièrement, qui fait longtemps qu'il n'avait pas lu en tout cas. Et du coup, bon, il lisait, et puis au bout d'un milieu du tome 1, il me dit quand même, écoute, c'est vachement bien, j'essaie de regarder en plus le pilote, ça vaut pas trop le coup, tu devrais tenter le bouquin. Et c'est vrai que j'ai pas eu vraiment envie de me refaire un truc comme Game of Thrones, où j'ai vraiment adoré la série tout de suite, en me mettant dans les bouquins, et me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, les bouquins sont géniaux. Du coup, pareil, j'ai acheté le premier tome, je l'ai presque fini, et alors c'est très space opéra, hein, faut pas croire, moi j'adore ça, c'est vraiment un peu dans la lignée de tout ce qu'a pu faire Dan Simmons avec Hyperion ou même Isaac Asimov avec son cycle Fondation, pour ceux qui connaissent. Il faut savoir que c'est écrit par deux Deux auteurs. écrivains. Faut que j'arrive à trouver leur nom. Je les ai pas sous les yeux parce que je suis, voilà, ils sont là. C'est Daniel Abraham, pardon, et Ty Frank, sous le pseudonyme de James A. Corey. Il faut savoir qu'il y en a un des deux, en fait, qui est tout simplement l'assistant de George Martin, en fait, qui écrit Game of Thrones. Et du coup, on repart vraiment sur une narration qui se ressemble par rapport à Game of Thrones, pour ceux qui connaissent les bouquins, en tout cas. C'est-à-dire que chaque chapitre est centré vraiment du point de vue d'un des personnages. Alors, il y en a pas 70 comme dans Game of Thrones, là on reste sûrement sur 3 à 4 grand maximum, en tout cas pour le premier tome, qui s'appelle L'éveil du Léviathan. Et c'est vrai que c'est vraiment bien écrit, ça va assez vite, il n'y a pas le temps de s'emmerder, il y a des cliffs qui sont sympas, mais ça va vite. Enfin, les personnages sont super bien écrits, on sent que ça part sur un space opéra monstrueux, donc ça se passe dans un futur, on va dire d'ici 150-200 ans. La plupart des planètes du système solaire ont été colonisées, il y a des colonies aussi sur tout ce qui est lune. astéroïdes et compagnie. Et il y a une sorte de guerre politique et un peu science-fiction, des airs fantastiques qui va se mettre en place. Savoir qu'il y a très peu de trucs fantastiques jusque-là, et c'est vraiment un premier truc fantastique qui va se mettre en place et qui va apparemment vraiment tout prendre. Faut savoir que j'ai quasiment fini le tome 1 et qu'on sait encore pas trop ce qui se passe, mais que c'est vraiment bien bien écrit. Et en tout cas, voilà, pour ceux qui ont commencé à regarder la série, qui ont trouvé ça sympa, n'hésitez pas à vous mettre dans les bouquins. Sinon, pour ceux que ça pourrait intéresser, essayez même pas la série, tapez les bouquins. Il y a déjà 2 tomes, il y a déjà 6 tomes sortis en anglais. Il y en a 9 ou 10, je crois, à prévoir. Et il y a déjà le tome 3 qui va déjà être bientôt traduit en français. Sachez qu'il y a une traduction par an, donc ça va quand même assez vite. On n'est pas sur le rythme de croisière extrêmement lent de Game of Thrones. Voilà. Ouais, justement, en fait, les auteurs ils diffusent un bouquin en juin de chaque année. Et donc, oui, tous France, les ans. Ouais. Moi, ça va vite, c'est bien. Ouais. C'est ça, mais bon, ce qui est normal, mais du coup c'est vrai que ça va vite, et pour l'instant j'ai pas l'impression en tout cas que ça nuise vraiment à la qualité de l'histoire et de l'écriture. J'ai commencé par la série, et puis c'est vrai que je trouve l'univers très intéressant, pourtant je suis pas trop space opéra ou série de science-fiction, mais je trouve vraiment l'histoire pas bien foutue avec, comme tu dis, pas mal de cliffs, un bon rythme en fait, un vrai bon rythme, et donc je suis intéressé aussi par les bouquins. Le bouquin, la série couvre les 2/3 à peu près du tome 1, donc il y a de quoi faire. Je regarderai quand j'emmerderai un temps le tome 3, mais... Donc ouais, c'est vrai que c'est un livre qui est très réputé, en tout cas dans le domaine de la science-fiction. Ouais. Rappelez le titre. The Expanse. Et le tome 1, c'est L'éveil du Léviathan. J'ai fait un sujet assez complet dessus dans la rubrique lecture, avec un beau petit sommaire et tout ça. Si vous voulez voir son travail, alors. Voilà pour les bouquins. On a une catégorie autre, mais je sais pas si vous voulez la faire ce soir. On voulait parler Je t'avoue que je pense que c'est... Ouais, mais je pense que bon. Moi, je sais pas ce qu'en pense Matt, parce qu'on était parti là-dessus, mais là, j'avoue que ça fait qu'on s'affaire faire tard, et qu'en plus, il y en a pour des heures et des heures sur des choses pas forcément, finalement, qui vont être constructives. De toute façon, faut lire le forum. Les sujets politiques et actualités ont été très, très animés. Bah non, justement, c'est bien. Ah, c'est bien parti en couille. Non, là, sinon, il y a le retour de Frisk qui est reparti comme une salope, qu'il est. Voilà. Oui, il est venu poster deux messages et puis il s'est rebarré. C'est ça, voilà. J'ai même pas vu. Ah, il a posté présentation pluie et beau temps. Enfin, c'est récent, c'était week-end dernier peut-être? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Vendredi peut-être, je sais plus. Parce que moi j'étais pas là samedi dimanche, je l'ai vu, donc ça devait être jeudi, je pense. Quelqu'un un petit coup de cœur musical, sinon ça peut rentrer dans la catégorie autre aussi, et sinon on conclut. Moi, sans rien en réparer, c'est compliqué. Et c'était quoi alors ton truc électro que t'as fait, Oshi? Alors c'est une grosse soirée qu'on a fait à la Belle Électrique, la nouvelle salle de Grenoble, en tout cas qui accueille la musique amplifiée depuis 2 ans, donc c'est via mon nouveau boulot en fait, la métamorphose avec qui je travaille depuis 1 mois et demi maintenant, où je suis chargé de communication. Savoir que c'est des potes depuis 15 ans en fait qui cherchaient quelqu'un pour faire la com, et ça tombait parfaitement pour moi qui était en fin de chômage. Et du coup voilà, on a accueilli 2 grosses têtes d'affiche de techno européenne, Marcel Fengler qui est un des piliers du Berghain à Berlin et qui est aussi membre du label Osgoodton, et Inigo Kennedy qui est anglais, membre de Token Records, qui sont venus mixer du coup samedi soir avec 3 autres DJ régionaux. Et puis c'était bien, il y avait plus de 700 personnes, très bonne ambiance, mais du coup c'est que ça a été long parce que j'ai bossé là jusqu'à... Enfin j'ai bossé. Et qu'on bosse pas beaucoup quand on bosse là-bas parce qu'ils font tout dans la salle, du coup on bosse sous des bières et on essaie de s'occuper des artistes. Mais voilà, il a fallu effectivement finir à 7h et que moi je ramène DJ allemand à l'aéroport qui est à 80 km de chez moi. J'ai fait un petit run à midi, c'était bien. Il fallait pas trop picoler alors. J'ai arrêté vers 5h. J'ai été sage. Et le groupe et après, alors il y a du nouveau ou pas? Le groupe et après, on a une petite date là, dans 3 semaines à Grenoble. On joue un petit concert et après, il faut qu'on trouve, on va normalement enregistrer de quoi faire un album pour la rentrée cet été. Parfait. Histoire que ça avance un petit peu. Voilà. Bon, Max ou Matt, un mot de la fin aussi de l'autre côté? La semaine dernière, j'étais souvent sur Poitiers, donc notamment jeudi, où j'ai pu interviewer un coach de basket. C'était plutôt cool. Donc voilà. À part ça, sinon, on n'a pas grand-chose. Je découvre. Après, je vais encore pas savoir le dire. Spotify. Oui, Spotify. Et j'adore. Ah oui, tu découvres vraiment la chose après à la bourre, toi. Mais non, mais c'est pas ça. T'es pire que moi. Mais non, mais je découvre la version premium. Mais c'est un mois gratuit, je sais pas si je vais continuer. Parce que je suis pauvre, j'en appelle à Vaudon. Mais sinon, c'est vraiment bien. Oui. Donc voilà, je suis en retard, mais l'année prochaine, je vous parlerai de Windows XP, cette merveille. MSN Messenger, c'est la classe. Ah, je préfère quand même Lycos et Caramel, mais bon, chacun son truc. Bon, en tout cas, merci à vous trois d'être restés jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques emmerdes à la préparation du podcast. Puis ben, on espère, vous auditeurs, que ça vous a plu et que vous serez présents aussi le mois prochain pour le bilan du mois d'avril. Merci à tous, salut! Merci à toi! Salut! Salut! Salut.